grave se confonde avec la mer. Sur les remparts de Saint-Malo, il me semblait y voir sur vous et ses corsaires attendre la fin du mordeau pour s'éloigner enfin sans jamais se retourner loin des murailles de la cité. Un trésor nous attend sur ces rivages inabordés, reconquérir nos dignités. Je connais ces blessures lorsque ton âme reste à cœur. Illusion ou réalité, les temps de déchirure ne cesseront qu'après avoir détruit tous nos regrets. L'au-delà de nous-mêmes est cette part de vérité qui nous fait peur sans l'avouer. Il nous faudrait à ce que nous avions été pour espérer se retrouver. S'éclaire au soleil levant, loin des remparts de Saint-Malo. Le signal est donné, les voiles sont gonflées au vent, nos prières trouvent leur écho. Les vibrations du monde chantent et enchantent les gréements, le rêve ne souffre pas. Voyage est possible à ceux qui le veulent vraiment, explorateurs de l'infini.